الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين. Les prières et les salutations sont sur l'émir des prophètes et des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion. نتابع دروسنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس الخامس. Nous allons poursuivre les cours de la biographie du prophète, prière et salut sur lui, avec le cours numéro 5. في الدرس الأول تكلمنا عن قيمة وضرورة السيرة. Dans le premier cours, nous avons abordé l'importance, la nécessité de la biographie de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتكلمنا كذلك عن صحة السيرة. هل هذه السيرة صحيحة أم سيرة كاذبة؟ Et nous avons abordé aussi dans ce premier cours l'authenticité de la sira. في الدرس الثاني تكلمنا عن العالم كيف كان قبل الإسلام. Dans le deuxième cours, nous avons abordé la géographie du monde avant l'islam, ou comment était le monde et les civilisations qui ont précédé l'islam et la période pré-islamique. في الدرس الثالث تكلمنا عن وجود الله تعالى وتبارك. Dans le troisième cours, nous avons abordé l'existence de Dieu. لأن من يقول رسول الله ولكن هل الله موجود؟ Parce que lorsqu'on dit messager de Dieu, mais d'abord, ce Dieu existe-t-il? C'était le troisième cours. في الدرس الرابع تكلمنا عن صفات الله تعالى وتبارك. Dans le quatrième cours, nous avons abordé les attributs, les qualités de Dieu subhanahu wa ta'ala, les noms de Dieu, le Très-Haut. واليوم دائما في المقدمات, on est toujours, même aujourd'hui, dans ce cinquième cours, on est toujours dans la période des introductions. On fait des introductions pour commencer la sira, et nous allons la commencer inshallah bientôt avec le cours peut-être numéro 7. اليوم اسال سؤال. Aujourd'hui je vais poser une question. ما هي علاقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والرسالات السماوية السابقة؟ La question que je pose aujourd'hui, quel est le lien, quelle est la relation entre le message de Mohammed, prière et salut sur lui, et les autres messages célestes précédents? هل هناك عدة أديان سماوية مختلفة رغم أن الله واحد؟ Y a-t-il plusieurs religions célestes différentes malgré que Dieu est unique? في حجة الوداع, lors du pèlerinage d'adieu, وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجموع, et lorsque le prophète, prière et salut sur lui, était parmi ou au milieu de la foule, يوم الجمعة على أرض عرفة, c'était un jour de vendredi, sur le sol de عرفات, تنزل عليه هذه الآية, il a reçu de la part de Dieu ce verset. يقول الله, c'est Dieu qui dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion, je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنا الله يا عبادي, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم, le prophète, prière et salut sur lui, a vécu après ce jour 81 ليلة, exactement 81 nuits. وأخذه الله إليه, et Dieu l'a pris vers lui. وعمره 63 سنة. À l'âge de 63 ans. كان بإمكان الله أن يتركه حتى 70 أو حتى 80 سنة. Il était possible pour Dieu, le très grand, qui peut faire tout ce qu'il voulait, de lui accorder un âge, de prolonger dans sa vie jusqu'à 70, jusqu'à 80 ans. ولكن أخذه الله إليه. Mais Dieu a préféré le prendre vers lui. بمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان في مهمة. Ceci signifie pour nous que le prophète, le messager Mohammed, prière et salut sur lui, était sur le sol terrestre, dans cette terre, était dans une mission bien définie, précise. ولما انتهت مهمته أخذه الله إليه. Mais lorsqu'il a achevé sa mission, lorsqu'il a fini sa mission, il n'y a plus d'intérêt pour qu'il reste dans ce monde-là. Ça, il a achevé la mission, Dieu l'a pris vers lui. Sa mission était transmettre le message. Sa mission était la transmission de la religion. Et voici la religion qui est devenue complète d'après le verset. وَالنِّعْمَةُ صَارَتْ تَامَّةً Et la grâce est devenue entière, d'après le verset. بِمَعْنَ انْتَهَتْ مُحِمَّةُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ça veut dire la tâche de Muhammad a pris fin dans la terre. وَهَذِهِ شَهَادَةً هَذِهِ الْآيَةِ تُعْتَبَرْ شَهَادَةً كَذَلِكَ مِنْ طَرَفْ شَهَادَةْ امْتِيَازِ من طرف الله تعالى وتبارك لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة كاملة. Et ce verset constitue une attestation d'excellence de la part de Dieu le Très-Haut pour son bien-aimé Mohammed, prière et salut sur lui, comme quoi il a bien transmis le message global, dans sa globalité. وهناك معنى آخر. Mais, mes frères et mes sœurs, il y a un autre sens à ce verset. هناك معنى آخر للآية. هو أن الدين الذي بدأ مع آدم عليه السلام. L'autre sens, c'est que cette religion qui a démarré avec Adam, prière et salut sur lui, ومرورا بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام, et en passant par tous les prophètes et les messagers, prière et salut sur eux, اكتمل اليوم, a pris fin aujourd'hui, est achevé aujourd'hui. Ma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris sa fin, est arrivé à sa finalité avec Muhammad, prière et salut sur lui. وهذا يعني بأن محمدا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. Ceci veut dire aussi que Muhammad est le sceau des prophètes et des messagers. فلا نبي بعد. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de prophète après lui. ولماذا يأتي نبي بعده والدين قد صار كاملا. Et pourquoi un autre prophète viendra-t-il tandis que la religion est devenue complète? والنعمة قد صارت تامة, et la grâce est devenue entière. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي, l'exemple ou bien mon exemple est celui des prophètes qui m'ont précédé. كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. On ressemble à un homme qui a construit un édifice et qui l'a bien embelli. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. إلا واحد الموضع ديال واحد لبنة بحال واحد البريكة, يعني حجرة بقات خاصة. À part, il a tout bien fait, à part la place d'une brique dans l'un de ses coins ou de ses angles. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون. Et les gens se sont mis à tourner autour de cet édifice, à s'étonner. يعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. Et se demander est-ce que cette brique sera finalement posée, cette brique manquante, cette brique qui manquait. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Et je suis cette cette brique manquante. Et je suis le sceau des prophètes. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique. Ma'na rawa al-imam Bukhari wa Muslim, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma yatakallam, fahuwa daqiqun fi kalamihi. Lorsque le prophète, prière et salut sur lui, parle, il est très très précis dans ses paroles ou dans sa parole. Ta'ammalu ma'i hadhihi al-jumla. Regardez avec précision, avec moi, cette phrase. Ana khatamun nabiyyin. Je suis le sceau des prophètes. Ma'a al-farq baynaha wa bayna ana khatam. Law qala ana khatamur rusul ou ana khatamul mursalin. Lam yaqul ana khatamur rusul ou ana khatam al-mursalin. Qala sallallahu alayhi wa sallam ana khatamun nabiyyin. Regardez avec moi la différence entre ce qu'il a dit et s'il avait dit à la place je suis le sceau des messagers au lieu de dire je suis le sceau des prophètes. لو قال صلى الله عليه وسلم انا خاتم المرسلين. S'il a dit ou s'il avait dit prière et salut sur lui je suis le sceau des prophètes. لفهم من ذلك انه سياتي من بعده. لو قال انا خاتم المرسلين, s'il a dit par exemple ou s'il avait dit je suis le sceau des messagers, on comprendrait qu'il y aurait après lui des prophètes. لفهمنا لفهم بأنه سيكون من بعده أنبياء. هو قال أنا خاتم الرسل ولم يقل أنا خاتم الأنبياء, قال أنا خاتم الرسل. معنى هذا سيكون ربما من بعده أنبياء, هو قطع الشك قال أنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وسيزعم أناس بأنهم تلقوا الوحي من الله كمسيلم الكذاب. Et il y aurait des gens qui vont prétendre avoir reçu la révélation de la part de Dieu en tant que prophète, comme ce qui a eu lieu dans l'histoire, cet homme qui a prétendu être prophète et qui s'appelait Musaylim al-Kadhab, ça veut dire Musaylim le menteur, wal-ghulam Ahmed ma al-Ahmadiyya haoula wa ghayruhum, et le jeune Ahmed ou bien le ghulam Ahmed, Shab Ahmed, le jeune Ahmed avec les Ahmadites, c'est le chef des de la secte si vous voulez, les Ahmadites ou d'autres, lui aussi il a prétendu être un prophète. لأن العقيدة الإسلامية تقول, parce que la doctrine ou bien la croyance islamique dit النبي هو من أوحى الله إليه ولم يأمره بتبليغ الوحي للناس. Le prophète chez nous est celui qui a reçu une révélation de la part de Dieu, un wahi, une révélation de la part de Dieu, mais il n'a pas reçu en même temps l'ordre de transmettre la révélation. والرسول, le messager, هو من أوحى الله إليه, est celui qui a reçu la révélation. وأمره الله بتبليغ الوحي للناس, mais en même temps il a reçu l'ordre de la part de Dieu de transmettre le message aux gens. C'est pour ça on l'appelle, en plus de prophète, on l'appelle messager. فكل رسول نبي. Donc tout messager est automatiquement prophète. وليس كل نبي رسول. Mais en même temps on ne peut pas dire que chaque prophète est automatiquement messager. وعليه فعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل في التاريخ الإسلامي. Sur ceci on peut dire, mais c'est la vérité, que le nombre des prophètes dépasse de loin le nombre de messagers, parce que le nombre de messagers sera normalement inférieur à celui des prophètes. عدد الأنبياء أكثر من 100,000 نبي في التاريخ. Donc le nombre des prophètes dépasse les 100,000 prophètes dans l'histoire. فلما قال صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète prière et salut sur lui a dit انا خاتم النبيين, je suis le sceau des prophètes, بمعنى لا ياتي بعدي لا نبي ولا رسول, ça veut dire après moi il y aura la venue d'aucun prophète ni messager. واعود للايه, et je reviens au verset coranique التي بدانا بها الدرس, avec lequel nous avons commencé ce cours. الدين صار كاملا, la religion est devenue complète. فلا يمكن, لا يمكن أبدا لأحد أن يضيف إليه شيئا. Donc il n'est pas possible à n'importe lequel de rajouter quelque chose à la religion. La religion est devenue complète avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas, au XXe siècle, on ne peut pas, je ne sais pas à quelle époque, 3000 ans après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rajouter des choses à la religion. Non, la religion est devenue complète. Et il n'est pas permis à n'importe lequel, même le plus grand savant qui existe en islam, de retirer quelque chose de la religion, de dire ceci n'est plus valable. Parce que la religion est complète. Et si on retire quelque chose, il ne l'est plus. Et tout ajout à la religion s'appelle une bid'ah, une innovation. Et chaque innovation est un égarement. Et chaque égarement mène vers l'enfer, ou se trouve dans l'enfer. Et celui qui va rajouter quelque chose, même de noble ou de bien dans la religion, ça veut dire par cet acte, il accuse la religion d'être incomplète. Et il accuse en même temps le prophète, comme quoi il n'a pas tout transmis, comme quoi le prophète, prière et sa sourire, a caché quelque chose. Et la religion est restée incomplète. Et ceci s'appelle une mécréance. Et on demande protection à Dieu pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. L'islam combat les bid'ah, les innovations. Pas les innovations en matière de fabrication, non. Innover dans la vie, fabriquer des voitures, fabriquer des choses qui n'existaient pas auparavant, mais dans la religion, il n'y a pas d'innovation. Tout a été dit à l'époque de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on va garantir à la religion de rester pure, propre, de tout ajout à travers l'histoire, ou de toute élimination, bien diminution à travers l'histoire jusqu'au jour de la résurrection, et ceci pour tous les gens. Même après 6000 ans, les gens qui vont venir après nous, par exemple, ils vont trouver la même religion que nous avons trouvée et la même religion que le prophète, prière et salut sur lui, a transmis. Et lorsque le verset dit que la religion est devenue complète, فهل هذا يعني أن الدين قبل ذلك اليوم كان ناقصا أو أن الدين مع الأنبياء السابقين كان ناقصا؟ Mais lorsque le verset dit que la religion est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du vendredi de Arafat à l'époque du pèlerinage d'adieu, est devenue entière ou bien complète, est-ce que ceci signifie que auparavant la religion était incomplète? Ou bien la religion à l'époque des prophètes prédécesseurs à Mohammed, prière et salut sur lui, leur religion était incomplète? Al-jawab la, la réponse non. Sara ad-din kamilan, la religion est devenue complète, بمعنى لم يبقى هناك نسخ أو تغيير. Allah كان ينسخ وكان يغير شيء بشيء حكم بحكم. الآن صار الدين نهائيا صار كاملا لا ينسخ ولا يغير إلى يوم القيامة. Ça veut dire la religion ne peut plus subir aucune abrogation, aucune modification ou changement, aucun changement. Parce qu'auparavant la religion changeait tout le temps. Dieu remplaçait une loi par une autre, simplifiait une chose, compliquait par exemple une chose. Mais maintenant, ça y est, la religion va rester telle qu'elle jusqu'à la fin des temps. Fad-din akhadha sifatahu an-nihaiya, c'est-à-dire la religion a pris sa forme définitive, sa forme finale, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Wa taqulu al-aya bi anna ad-din ni'matun tamma. Et le verset dit comme quoi la religion est une grâce entière, est un bienfait de Dieu entier. فمن قال بأن الدين نقمة وقسوة, celui qui va dire par la suite, aujourd'hui ou après ou avant, que la religion est un mal, ou bien est une forme de punition, ou bien est une forme de dureté, فهذا نوع من الكفر, il s'agit là d'une forme de mécréance. من قال مثلا بأن خمس صلوات في اليوم شيء صعب, celui qui va dire « Wallahi, 5 prières par jour est une chose difficile. »« Fa'ana la usalli, donc je ne prie pas. »« Siyam shahar kamil, sahab, jeûner un mois entier est une chose difficile, donc je jeûne pas. Idan fala asoum. Al-hajj, wallahi sahib. Le pèlerinage est une chose difficile. Je fais pas le pèlerinage. Fa'ana la ahujj. Man taqoul, la femme qui va dire, wallahi wad'u al-hijab ala ra's, shay'un sahib. Celle qui va dire, par Dieu le Très-Haut, mettre un foulard ou un voile ou un hijab sur la tête est une chose difficile. Donc je ne porterai pas le hijab. فأنا لا أحمل الحجاب. كل هذا الكلام شيء خطير. Tout ce genre de paroles est une chose dangereuse. لأن الدين وما فيه نعمة من الله لعباده. Parce que la religion dans toute sa totalité n'est qu'une grâce et un grand bienfait de la part de Dieu pour ses serviteurs. الدين خير كله وليس بشر. La religion est un bien dans sa totalité et non pas un mal. La religion est toute simple et toute facile et non pas difficile ou compliquée. Mais c'est Satan, c'est le grand démon qui fait imaginer aux gens que la religion est difficile afin qu'ils s'en éloignent. Et le verset choisi pour aujourd'hui dit à la fin بِأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينٌ اِرْتَضَاهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ. Comme quoi l'islam est une religion agréée par Dieu pour l'humanité, que Dieu a agréée pour l'humanité entière. خَالِقُ الْكَوْنِ ارتضى للناس الاسلام كدين. Le créateur de l'univers lui-même a agréé cette religion qui s'appelle l'islam, il l'a agréé pour l'humanité entière. فاذا قال احد, si quelqu'un dit ومن اراد دينا غير الاسلام, et celui qui veut pour lui une religion à part l'islam, الجواب من القران, la réponse vient directe d'un verset coranique. Yaqul Allah, Dieu dit wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui se veut comme religion autre chose que l'islam, cela ne lui sera jamais agréé et il sera dans l'autre monde parmi les perdants. Imma Al-Imran 85, le chapitre famille d'Imran, verset 85. Imma islam wa imma khusran. Soit un islam, soit suivre l'islam, ou soit choisir la perte ou la perdition. Wa huna rubbama yaqulu qa'ilun. Là, peut-être quelqu'un va se poser cette question. Wal adyan al ukhra. Et les autres religions, mon frère? Al jawab, la réponse. ليس هناك أديان أخرى هناك دين واحد. Il n'y a pas d'autres religions. Il y a une seule et unique religion. فالأديان السماوية هي دين واحد. Les religions célestes forment ou sont une seule religion unique. هي دين الإسلام. C'est la religion d'Islam. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit إن الدين بمجموعه بكله بكليته إن الدين عند الله الإسلام. آل عمران الآية 19. Donc Dieu dit dans le chapitre famille d'Imran, verset 19, certes la religion est pour Dieu l'islam. وهنا ربما يقول قائل. Et là peut-être quelqu'un va poser une autre question. والأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وغيرهم هل كانوا مسلمين؟ Et les autres prophètes et messagers qui étaient envoyés aux enfants d'Israël et autres nations étaient-ils tous des musulmans؟ الجواب نعم. La réponse oui. Ils étaient tous des musulmans. كل الرسل والأنبياء كانوا مسلمين. Tous les prophètes, tous les messagers étaient des musulmans. منذ البداية إلى النهاية. Depuis le début jusqu'à la fin. قال الله تعالى وتبارك عن نوح في آية كريمة. Dieu le Très-Haut dit à propos de son serviteur et messager Noé, prière et salut sur lui, dans un verset coranique. Sourate Yunus, al-ayat 72, le chapitre Jonas, verset 72, « Wa umirtu an akuna min al-muslimin » Noé dit « Et j'ai reçu l'ordre d'être parmi les musulmans. » قال تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام Dieu le Très-Haut dit à propos du père des prophètes et messagers Abraham, Ibrahim, prière et saillie sur lui في آية 67 من سورة العمران dans le chapitre famille d'Imran verset 67 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ردوا بالكم الله يقول إبراهيم ما كان لا يهودي ولا نصراني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أبراهيم n'était ni juif ni chrétien. C'est Dieu qui parle, qui l'a envoyé, qui a envoyé Abraham. Il nous dit dans ce verset, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était pur monothéiste musulman et il ne faisait pas partie des associateurs. وهذا حفيده حفيد إبراهيم عليه السلام يعقوب عليه الصلاة والسلام et là le petit-fils d'Abraham prière et salut sur lui qui s'appelait Jacob prière et salut sur lui Ibn Ishaq, le fils d'Isaac, prière et salut sur lui. Wahoua Israël, Jacob, qui s'appelait en même temps Israël. Donc le nom ou le prénom, si vous voulez, de Jacob était Israël. Il a dit dans un verset coranique, dans un testament qui était souligné comme verset coranique, à ses enfants, les enfants d'Israël, yani Yaqub, alayhi salam, wahoua Nabiullah, wa kana ismuhu Israël. قال لأولاده لبني إسرائيل قال لهم في آية كريمة في وصية حملت هذه الآية الكريمة يا أولادي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين إلا وأنتم مسلمون جاكوب دي aux enfants d'Israël à ses propres enfants veillez à ne mourir que dans la foi islamique ou dans la foi musulmane وهذا يوسف من بني من ابن إسرائيل ابن يعقوب عليه السلام et celui-ci c'est Joseph prière et salut sur lui Joseph c'est le fils de Jacob le fils d'Isaac le fils d'Abraham prière et salut sur l'ensemble il dit à Dieu dans un verset coranique قال لله يوسف عليه السلام قال لله في آية قرآنية من يقول يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني على الإسلام ما قال توفني على اليهودية رغم أنه كان يعني من بنو إسرائيل من اليهود قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين il a dit à Dieu reprends-moi c'est Joseph qui parle il parle à Dieu dans un verset coranique il fait une prière qui sera exaucée reprends mon âme en tant que musulman et fais-moi rejoindre les vertueux وهذا موسى عليه السلام et voici Moïse prière et salut sur lui يقول عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الآية il dit dans un verset coranique يتكلم مع قومه il parle avec les enfants d'Israël avec son peuple يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى يقول لبني إسرائيل يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين Donc Moïse s'adresse aux enfants d'Israël pour leur dire « Ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en donc à lui si vous êtes, si êtes musulman. » Ça veut dire « Comptez uniquement sur lui si vous êtes vraiment musulman. » « Wa ha'oula il hawariyoun »« Ashab Isa alayhi salam »« Yaquluna li Isa fi hadihi l'aya » Et là je vous parle des apôtres. Les compagnons de Jésus, prière et salut sur lui, ils ont dit à leur maître Jésus, prière et salut sur lui, dans ce verset coranique, « Nahnu ansarullah »« Nahnu l'ansar »« Nahnu ansarullah »« Amanna billah »« Washhad »« Anta ya Isa lana amam Allah »« Washhad bi anna muslimun »« Nahnu ansarullah »« Amanna billah » واشهد بأن مسلمون. Ils ont dit à Jésus, prière et salut sur lui, nous sommes les partisans de Dieu, nous avons cru en Dieu, et atteste, ça veut dire toi pour nous auprès de Dieu, et atteste que nous sommes musulmans. Donc l'islam n'est pas une religion inventée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas une religion étrangère à ce qui a précédé Mohammed, prière et salut sur lui. Et là, on voit le lien entre Mohammed, prière et salut sur lui, et les autres, ou bien le lien entre l'islam et les autres messagers et les autres prophètes, c'est la même religion. L'islam, c'est la même religion. Normalement, la différence vient de ceux qui se sont éloignés de l'islam et qui ont inventé d'autres religions et qui accusent l'islam comme quoi il ne fait pas partie des religions. L'islam, c'est la religion de Dieu. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Et celui qui veut se poser une question, il se pose une question à propos de sa propre religion. Est-elle l'islam ou pas ? Nous, on n'a pas de compte à rendre. C'est aux autres qui se sont éloignés de l'islam de justifier. وَهَكَذَا نَرَى بِأَنَّ كُلَّ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Preuve, là, nous avons vu que tous les prophètes, tous les messagers étaient des musulmans, suivaient l'islam. وَأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ دِينُ الْجَمِيعِ. Et comme quoi l'islam est la religion de tous. وَأُحِبُّ هُنَا أَنْ أُبَيِّنَ قَاعِدَتَيْنِ. Et j'aime là préciser, montrer deux règles. الأولى, la première règle, علاقة الأنبياء مع بعضهم البعض. La relation entre les prophètes les uns aux autres. هي علاقة تصديق وتبشير. C'est une relation de confirmation. Chaque prophète confirmait, authentifiait le message de son prédécesseur et annonçait l'arrivée d'un autre prophète et annonçait le nom de son successeur. Donc chaque prophète confirmait, authentifiait le message de son prédécesseur et annonçait à son peuple le nom de son prophète successeur. C'est l'unique relation entre les prophètes. Chaque prophète a confirmé, a validé, a authentifié le message de son prédécesseur. Et chaque prophète a annoncé la venue d'un autre messager successeur. Ainsi, il n'y a aucun différent, il n'y a aucun désaccord, il n'y a aucun problème entre tous les prophètes. Parce que tous, ils viennent de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'unique Dieu, subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّهُمْ إِخْوَةٌ. Tous les prophètes sont des frères. Dans la prophétie. C'est pour ça le prophète Mohammed, il disait que Jésus est mon frère, est mon grand frère, parce qu'entre moi et lui, il n'y a aucun autre prophète. فَكُلُّهُمْ إِخْوَةٌ. الأنبياء كلهم إخوة. وَكُلُّ وَاحِدٌ يُمَثِّلْ حَلَقَةٌ فِي سِلْسِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ. Et chaque prophète constitue un chaînon dans la série ou dans bien la chaîne des prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, prière et salut sur l'ensemble. يعني كل واحد يمثل حلقة في سلسلة الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأعطي مثالا على ذلك في هذه الآية. Et je donne un exemple sur ce que je viens de dire dans ce verset qui se trouve, un exemple qui se trouve dans un verset coranique. تقول الآية وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا مُصَدِّقًا وَمُبَشِّرًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فهذه في سورة الصف الآية السادسة. Donc le verset dit et quand Jésus, fils de Marie, dit au fils d'Israël, je suis le messager de Dieu. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Je suis le messager de Dieu à vous. Venons ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah, Pentateuch. Et vous annoncez la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi nommé Ahmed. فهذه البشارة توجد فقط في إنجيل واحد، إنجيل برنابيس، في إنجيل واحد. هذا الإنجيل أحرق من بعد جمع نيقيا سنة 325 بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وبقيت بعض النسخ فقط، أحرقوا لأن فيها البشارة، أحرقوا كل شيء حتى لا تبقى هذه البشارة موجودة عندهم. فأحرق هذا الإنجيل الذي كان يحمل هذه البشارة، ولم يبق منه إلا بعض النسخ موجودة في بريطانيا وفي أمريكا وفي النمسا فقط. بعض النسخ موجودة في إنجلترا وفي النمسا وفي أمريكا. دونك il y a eu un seul évangile qui contenait cette annonciation, cette bonne nouvelle annoncée par le maître Jésus, prière et salut sur lui, à ses apôtres. L'évangile est celui de Bernabé. Il a été brûlé avec beaucoup d'autres à la suite du concile de Nicée en 325 après Jésus, prière et salut sur lui. Et il existe encore quelques exemplaires de cet évangile de Bernabé qui se trouvent en Angleterre, en Autriche et en Amérique. Akoul, je dis, من كان نصرانيا محبا لعيسى عليه السلام, celui qui est aujourd'hui un chrétien, un catholique, qui aime à fond Jésus, prière et salut sur lui, فعليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم, il doit immédiatement suivre Mohammed, prière et salut sur lui, لأن هذه أوامر عيسى عليه السلام, parce qu'il s'agit d'un ordre de Jésus, prière et salut sur lui. Donc celui qui aime Jésus, prière et salut sur lui, celui qui suit à la lettre les ordres de Jésus, prière et salut sur lui, il ne peut pas faire que suivre Mohammed, prière et salut sur lui, parce que c'est l'ordre de Jésus. يعني فمن كان فعلا يحب عيسى عليه السلام, من كان فعلا نصرانيا, فعليه أن يتبع أوامر السيد المسيح عليه السلام ويتبع محمدا الآن صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان يهوديا, de la même manière celui qui est juif, فعليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم, il ne peut que suivre محمد prière et salut sur lui, لأنها أوامر موسى عليه السلام كما كانت أوامر عيسى عليه السلام, parce qu'il s'agit d'un ordre de Moïse, prière et salut sur lui, comme c'était un ordre de Jésus. ومن ترك نصرانيته أو يهوديته, celui qui va laisser, qui va abandonner en quelque sorte son judaïsme ou son christianisme pour suivre محمد prière et salut sur lui, واتبع محمد صلى الله عليه وسلم, فهو لن يقطع ولن يضيع شيئا من أصوله. Certainement lorsqu'il va suivre Mohammed, prière et salut sur lui, il va pas couper, il va pas négliger aucune chose de ses origines. فالإسلام امتداد طبيعي لما سبق, parce que l'islam n'est que la continuité, n'est que le prolongement naturel de ce qui a précédé. والمسلم يؤمن بكل الرسل السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم, et le musulman croit à tous les prophètes, à tous les messagers que Dieu a envoyés avant Mohammed, prière et salut sur lui. هذه القاعدة الأولى, telle était la première règle, c'est que chaque prophète confirme le message de son prédécesseur et annonce le message de son successeur. القاعدة الثانية, la deuxième règle, رسالة كل نبي تتكون من شقين, le message de chaque prophète se compose de deux volets. الأول العقيدة, le premier c'est la croyance, la doctrine, la foi. والثاني التشريع والأخلاق, le deuxième volet c'est le volet de la législation, des lois et de la morale. أما العقيدة فهي واحدة لا تتغير من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. En ce qui concerne le premier volet, il est constant depuis Adam jusqu'à Mohammed, prière et salut sur lui. La foi est constante, inchangeable, n'est pas modifiable. Iman billah, une foi en Dieu unique, wahdah la sharika la, sans associé. Wa iman bil ba'd, une foi en la résurrection, wal hisab, le jugement, wal janna, le paradis, wal nar, et l'enfer. Fal ikhtilaf bayna al anbiya fi majal al aqida, il n'y a aucun aucun désaccord entre les prophètes et messagers dans le domaine du premier volet, la croyance. Tout le monde croit à un Dieu unique. فلا يمكن أن يقول نبي il est impossible qu'un prophète dise الله اثنان أو ثلاثة que Dieu est sous la forme de deux ou sous la forme de trois. Dieu est trois ou Dieu est deux. ويقول نبي آخر الله واحد لا شريك له et qu'un autre prophète dit après ou avant Dieu est unique, il n'a pas d'associé. C'est incompatible, c'est impossible. فإذا كان اختلاف في العقيدة s'il y a un désaccord dans le domaine de la croyance فهذا يعني أن الناس غيروا من بعد نبيهم. Ceci est une preuve que les gens ont modifié, ont changé après la disparition de leur prophète. لأن الأنبياء صادقون في تبليغهم عن الله parce que tous les messagers sont véridiques, sont authentiques, sont sincères, ne sont pas des menteurs. S'il y a mensonge, on annexe le mensonge aux gens qui ont suivi le prophète, mais on ne peut pas annexer le mensonge à un prophète. Un prophète ne peut jamais dire un mensonge. أما التشريع فيختلف حسب المكان والزمان والأمم. Tandis que le deuxième volet, la législation, le volet des lois, il change selon le lieu, selon le temps, selon les nations. فكل رسول كانت له شريعة خاصة بقومه. Chaque messager avait une législation propre et spéciale pour son peuple à lui, selon leur lieu géographique, selon le temps de leur existence, etc. وتنسخ كلها أو بعضها مع الرسول اللاحق به. Et toute et la législation, les lois d'un prophète, d'un messager étaient abrogées dans leur totalité ou bien partiellement avec le messager successeur. حتى اكتملت مع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام et ces lois ou la législation a été achevée avec la venue de Muhammad, prière et salut sur lui, le sceau des prophètes. والنتيجة, la conclusion, ليس هناك أديان سماوية متعددة. On ne peut pas dire il y a plusieurs religions célestes, c'est-à-dire venant de la part de Dieu. C'est une erreur de vocabulaire. يعني هذا خطأ في الكلام, هذا خطأ اصطلاحي. ليس هناك أديان سماوية متعددة. لا يمكن أن نقول بأن هناك الأديان السماوية. هذه كلمة خاطئة. هذا تعبير منحرف. Donc il s'agit d'une erreur, il s'agit d'une mauvaise interprétation. On ne peut pas dire il y a plusieurs religions ou les religions. Non, il n'y a pas des religions. ولكن هناك شرائع سماوية متعددة. Mais plutôt on peut dire il y a plusieurs législations divines. Plusieurs législations divines. بمعنى أن الشرائع مختلفة, ça veut dire les lois ou les législations sont différentes. Mais la religion est unique. ولكن الدين واحد. الدين واحد والشرائع مختلفة. Donc je répète, la religion est unique, seule, c'est l'islam, mais les législations sont différentes. Donc Moïse, prière et salut, avait une certaine législation qui était dure, un peu, voulue par Dieu. Jésus, prière et salut, sa législation était plus facile par rapport à celle de Moïse, prière et salut, et c'est Dieu qui a voulu ceci. فكان هذا موضوع الدرس يعني الخامس, c'était là le cours numéro 5. انتهينا, ça a pris fin. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنرى علاقة أو آثار الإبراهيمية في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم. Dans le cours numéro 6, on va voir les traces de ibrahimique dans la période pré-islamique, ça veut dire juste avant le message ou l'arrivée de Mohammed, prière et salut sur lui. قبل النهاية, قبل إنهاء الكلمة, أحب أن أعطيكم يعني مصادر الدروس التي أقوم بها حتى لا يقول الإنسان يعني هذا الأخ من أين يأتي بكلامه, ما هي مصادره. Donc j'aimerais vous donner les références à partir desquels ou sur lesquels je me base pour préparer mes cours de biographie. Comme ça, personne ne va dire, mais ce frère, d'où vient-il avec toutes ces informations, toutes ces affirmations ? Fima yakhus as-sira, en ce qui concerne la sira, yani fima yakhus as-sira an-nabawiyya, en ce qui concerne la biographie du prophète, hunak as-sira an-nabawiyya li ibn Hisham. Il y a la sira nabawiya, la biographie prophétique d'Ibn Hisham, l'auteur c'est Ibn Hisham, hiya min awwal ma kutib, parmi les premiers livres qui ont écrit la biographie, c'est Ibn Hisham. Al-Bidaya wal-Nihaya, l'Ibn Kathir. Je me base aussi sur Al-Bidaya wal-Nihaya pour Ibn Kathir, le fils de Kathir. C'est un grand savant qui a interprété le Coran aussi. Zad al-Mi'ad, l'Ibn al-Qayyim al-Jawziya, de Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Al-Rahiq al-Makhtoum, l'Il-Mubarak Fouri, pour le Mubarak Fouri. Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes. Khatam al-Nabiyyin, لأبو زهرة للإمام محمد أبو زهرة فقه السيرة للشيخ الدكتور سعيد رمضان البوطي فقه السيرة pour le maître et docteur سعيد رمضان البوطي السيرة النبوية للإمام الشعراوي la سيرة النبوية ou la سيرة prophétique de l'imam الشعراوي الرسالة المحمدية للإمام الندوي الرسالة المحمدية de l'imam الندوي هناك كتب أخرى أستعين بها لما يكون الأمر بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بعض التابعين بعض الخلفاء إلى غير ذلك je me base aussi lorsque je touche à un spécialement à un compagnon du prophète ou à un calife après le prophète prière et salut sur lui يعني هناك أعتمد على سير أعلام النبهاء للإمام الذهبي donc سير أعلام النبلاء pour l'imam الذهبي الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر donc الاستيعاب في معرفة الأصحاب composé par ابن عبد البر حياة الصحابة للكندهلوي donc la vie des compagnons ou حياة peut-être ce livre est traduit en français حياة الصحابة للإمام الكندهلوي صفوة الصفوة لابن الجوزي إسلاميات لخالد محمد خالد خلفاء الرسول لخالد محمد خالد les successeurs du messager pour l'auteur خالد محمد خالد رجال حول الرسول des hommes autour des messagers لخالد محمد خالد الخلفاء الراشدون les califes bien guidés لمحمد رضا composé par Muhammad Rida رجال مع الرسول des hommes avec le messager للقادري composé par القادري التاريخ الإسلامي l'histoire musulmane ou islamique لأحمد شاكر composé par أحمد شاكر هذا فيما يخص الصحابة فيما يخص الأحاديث en ce qui concerne les hadiths que je vous donne dans la biographie اعتمد على صحيح الإمام البخاري il y a l'authentique de l'imam al-Bukhari avec son interprétation de qui s'appelle Fath al-Bari pour composé par Ibn Hajar al-Asqalani donc صحيح البخاري مع شرحه Fath al-Bari لابن حجر العسقلاني هناك صحيح مسلم مع شرحه من طرف الإمام النووي il y a l'authentique de l'imam مسلم avec son interprétation de l'imam النووي هناك بعض الكتب الأخرى مثلا التاج الجامع جامع للأصول لعلي ناصف هناك مثلا كتاب مشكات المصابيح هناك مثلا رياض الصالحين وكتب أخرى في التفسير إذا بعض المرات مررت على آية واحتجنا لتفسيرها فأعتمد lorsque on parle d'un verset coranique on a besoin de son interprétation je me base sur تفسير ابن كثير l'interprétation ou l'explication de ابن كثير celui qui a écrit le Bidaya wa Nihaya de la biographie, Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation d'Imam al-Qurtubi, Tafsir al-Munir, yani huwa mawsu'a, Tafsir al-Munir li Wahb al-Zuhayli, donc l'encyclopédie qui s'appelle Tafsir al-Munir ou l'interprétation éclairée de Wahb al-Zuhayli, fi ma yakhus al-fiqh, en ce qui concerne lorsque je vous donne des avis juridiques ou de fiqh, اعتمد في مادة الفقه اعتمد على الفقه الإسلامي وهي موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته لوهب الزحيلي donc je me base sur une encyclopédie de juridique composée et ses preuves ses arguments composés par le contemporain le docteur وهب الزحيلي اعتمد كذلك فيما يخص الفقه المالكي لأننا مالكية على جواهر الإكليل سيدي خليل Je me base sur les perles de la couronne, si vous voulez, ou les jawahir iklil, composés par le maître Sidi Khalil. المذاهب الأربعة للجزيري، il y a les quatre écoles de l'imam al-Jaziri. Il y a كذلك سبل السلام للصنعاني، le composé, celui qui les a composés, l'auteur c'est صنعاني. نيل الأوطار للإمام الشوكاني. دلائل الأحكام لابن شداد. Et بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. Et le début pour celui qui veut fournir l'effort. Et la fin pour celui qui veut économiser ses efforts ou son énergie pour Ibn Rushd de Cordoba, le petit-fils, bien sûr. فيعني كانت هذه بعض يعني مصادر المصادر التي اعتمد عليها في تحضير هذه الدروس. Donc c'était là quelques références sur lesquelles je me base pour vous préparer ces cours de biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. في الأخير ندعو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كما جمعتنا اليوم في بيتك مع نبيك حول سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا غدا على الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعنا كما جمعتنا في الدنيا معه فاجمعنا في الآخرة معه، لا تفرق بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا معه إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب من أدخلته في هذه الليلة إلى هذا المسجد المبارك، اللهم كما أدخلته إلى بيتك في الدنيا، اللهم أدخله إلى الجنة غدا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كما أدخلتنا إلى بيتك في الدنيا فلا تحرمنا من بيتك في الآخرة، لا تحرمنا من جنتك. اللهم كما جمعتنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا وسهل لنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك على كل شيء قدير وإنك سميع مجيب، ونسألك يا رب في هذه اللحظات الأخيرة أن تبلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحد واحدة واحدة إلى سيدنا وإمامنا في هذه الليلة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.